Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémouzou, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 22 mai. Nous souhaitons une bonne fête au Émile, ça vient du germanique signifiant travailleur. Émile est un homme complexe et insaisissable, deux composantes opposées sont incluses dans son prénom. Une tendance masculine, un tempérament colérique, excitable, enthousiaste, combatif, passionné et une tendance à un tempérament nerveux qui lui confère un côté intériorisé, secret, timide, voire inhibé. Quoi qu'il en soit, cela lui confère un certain magnétisme dont il n'est pas toujours conscient. Émile a une grande sensibilité qu'il a du mal à exprimer. Il a fréquemment l'impression de n'être jamais pleinement compris, ce qui est normal car ses réactions sont souvent imprévisibles. Selon les moments, il peut tout aussi bien réagir brutalement que se replier dans une sensibilité plus ou moins douloureuse. Il est pourtant en quête d'harmonie et a besoin de plaire et d'être apprécié. Il peut aussi être esthète ou cultivé à violon d'ingres artistique. C'est un actif, mais ses fonds d'extrémisme le rendent inégal. Soit il se donne entièrement à son travail sans compter sa peine, soit il récupère et se réfugie dans une inactivité totale. Il est parfois partagé entre son esprit pragmatique et matérialiste et un certain idéalisme qui peut le faire s'écarter de la rationalité et se tourner vers la spiritualité ou l'irrationnel. Il possède une intuition remarquable et un certain sens psychologique, même s'il ne se l'avoue pas toujours. Dicton du jour, beau temps de Saint-Émile donne du fruit à la folie. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée internationale de la biodiversité établie par l'ONU. En France, en Martinique, c'est la commémoration de l'abolition de l'esclavage. En Haïti, c'est la journée de la souveraineté nationale dédiée aux chefs de l'État et à la culture haïtienne. Et au Sri Lanka, c'est la fête de la République depuis 1972. Et ça s'est passé un 22 mai en 1762, c'était l'inauguration de la fontaine de Trévi, qui est la plus grande et une des plus célèbres fontaines de Rome. Allez, on marque tout de suite notre première pause musicale avec Charles Aznavour et son titre « Emmenez-moi ». Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes aux reflets de ciel bleu, de mirage, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais les barbouiller ce gris en virant de bord. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au-devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont, pour partir je travaillerai dans la soute à charbon, prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant ma tondille de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La, la, la, la. Monsieur Charles Aznavour sur RGM, presque 8h37, on parle maintenant anniversaire, ils sont nés un 22 mai 1924, naissance de Charles Aznavour, chanteur français, 1937, naissance de Guy Marchand, chanteur et acteur français, vu dans les Soudoués en vacances, Je et les acteurs, Ripou contre Ripou, ma femme s'appelle Maurice Hibou, la série télé Nestor Burma dans le rôle de Nestor Burma, la saga de l'été, L'été rouge dans le rôle du capitaine Martin Lebrec, ou encore dans Fargas, dans le rôle de Fargas. 1938, naissance de Richard Benjamin, réalisateur et acteur américain, vu en tant qu'acteur dans Harry dans Tous ses états, il a réalisé J'ai épousé une extraterrestre. 1970, naissance de Naomi Campbell, mannequin britannique, vu au cinéma dans Prêt-à-porter, Zoolander 2 ou encore dans la série télé Empire. 1972, naissance d'Anna Belknap, actrice américaine, connue pour son rôle d'Eva Rossi dans la série télé NIH Alerte Médicale, son rôle de Lynn Monroe dans Les Experts Manhattan et apparu également dans Hawaii 5-0. 1977, à naissance de Karine Tessandier, animatrice télé française. 1978, naissance de Jennifer Goodwin, actrice américaine, vue dans Le Sourire de Mona Lisa, Ce que pensent les hommes dans le rôle de Gigi, dans la série télé Ed dans le rôle de Diane Snyder, dans la série Once Upon a Time dans le rôle de Blanche-Neige. 1984, naissance de Dustin Moskovitz, chef d'entreprise américaine, un cofondateur du réseau social Facebook. 1987, naissance de Novak Djokovic, joueur de tennis serbe professionnel depuis 2002, qui a été numéro 1 mondial pour la première fois le 4 juillet 2011. Il a remporté 6 fois l'Open d'Australie, 3 fois le tournoi de Wimbledon, 2 fois celui de l'US Open et 1 fois Roland Garros. Et aux Jeux Olympiques, il est médaillé de bronze en 2008 et il a remporté une Coupe Davis en 2010. 1992, naissance de Camille Lou, chanteuse, actrice française, vue dans la série Les Bracelets Rouges dans le rôle d'Aurore. Elle sera bientôt à l'affiche de la série Maman a tort dans le rôle d'Angie, qui débute mercredi, si ma mémoire est bonne, à la télévision. Au cinéma, on a pu l'apercevoir dans Épouse-moi mon pote et elle a participé à la saison 7 de l'émission Danse avec les stars. En 1885, décédé Victor Hugo, homme de lettres et personnalité politique français. On peut citer Notre-Dame de Paris ou encore Les Misérables, ses poésies, Les Châtiments et Les Contemplations et théâtre, eh bien, Ruy Blas. 1910, décédé Jules Renard, écrivain français à qui l'on doit entre autres Poil de carotte ou encore Les Cornifleurs. Et en 1972, décédée Margaret Rutherford, actrice britannique qui fut Miss Marple dans 5 films anglais. Elle fut récompensée par un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 1963 pour son rôle de la duchesse de Brighton dans le film Hôtel International. Allez, petite pause musicale avec Guy Marchand et son titre Destiné. On était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi. Toi et moi, destinés, inutile de fuir ou de lutter, c'est écrit dans notre destinée. Tu ne pourras pas y échapper. C'est gravé, l'avenir, malgré nous doit toujours devenir tous nos désirs d'amour inespérés, imaginés, inavoués. Dans la vie, aucun jour n'est pareil, tu t'ennuies, tu attends le soleil impatiemment, éperdument. passionnément. Destiné, depuis longtemps j'avais deviné qu'à toi l'amour allait m'enchaîner. Quand je rencontrerai quelque part ton regard, destiné, où es-tu toi qui m'es destiné? Si jamais vous vous reconnaissez, je voudrais vous entendre crier. L'avenir, malgré nous, doit toujours devenir tous nos désirs d'amour inespérés, imaginés, inavoués. Dans la vie, aucun jour n'est pareil, tu t'ennuies, tu attends le soleil impatiemment, éperdument. Passionnément. Destiné, encore une fois le cœur déchiré, je suis un clown de maquillé. Le grand rideau vient de se baisser sur l'été. Destinés, on était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer. Destiné, Guy Marchand sur le 107FM. Il est presque 8h43, on fait un point météo. La météo. Alors, pour le moment, eh bien, le ciel est assez bleu, hein, mais malheureusement, cela ne va pas durer. Des orages sont à prévoir pour cet après-midi. Des températures comprises entre 11 et 12 degrés ce matin, entre 20 et 22 degrés pour cet après-midi. Pour mercredi, ce sera plutôt pluie et orage. Des températures comprises entre 11 et 12 degrés le matin, entre 18 et 20 degrés l'après-midi. Et pour jeudi, ce sera une journée pluvieuse. Des températures comprises entre 12 et 13 degrés le matin, entre 20 et 22 degrés prévues pour jeudi après-midi. Et normalement, ça devrait s'améliorer d'ici vendredi et très beau temps prévu pour ce week-end, mais on en reparlera bien évidemment d'ici là. Allez, c'est tout pour la météo. On fait maintenant un point complet sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on va commencer avec du hockey sur glace et les play-offs de NHL et l'équipe de Las Vegas où évolue hein, le français Pierre-Édouard Belmar. Et bien Vegas s'est qualifié pour la finale de ces play-offs et Pierre-Édouard Belmar devient ainsi le deuxième français à atteindre la finale NHL après Cristobal Huet. Las Vegas connaîtra son adversaire demain puisqu'aura lieu le match numéro 7 entre Washington et Tampa Bay. Et on reste toujours dans le hockey sur glace et on va parler des championnats du monde. Et la finale a opposé la Suède à la Suisse. Et la Suède s'est imposée 3-2 après les séances de tir au but. Et dans la petite finale, eh bien, ce sont les États-Unis qui ont battu le Canada 4-1. Les États-Unis remportent donc la médaille de bronze. Un mot de basket en Pro B. Ce week-end, Nancy s'est inclinée à Aix-Maurienne 89-82. Un point sur les playoffs NBA. L'équipe de Boston est à égalité hein, face à Cleveland. Deux manches partout. Le match numéro 5 aura lieu demain. Golden State Warriors mène 2-1 face à Houston. Le match numéro 4 aura lieu ce soir. Un mot de cyclisme avec le Tour d'Italie. Dimanche, la 15e étape remportée par Yates. Thibaut Pinot s'est classé 6e. Il pointe à la 4e place au classement général. Du côté de chez nous, le grand Fondo à la Bresse, Steve Chenel a terminé 14e et deuxième victoire cette saison pour Nasser Bouani qui a remporté le Grand Prix de Marcel Kint ce week-end. Allez, un point sur le football maintenant. Du côté de chez nous en National 2, Épinal a fait match nul, un but partout à Le Puy et Raon L'Étape s'est incliné 1-2 face à Annecy. Et on fait un point sur le classement de la Ligue 1. Termine donc premier le Paris Saint-Germain, hein, ça sans surprise on le savait. Deuxième place pour Monaco, troisième place pour l'Olympique Lyonnais. Donc ces trois places sont synonymes de Ligue des Champions. Quatrième Marseille, cinquième Rennes et sixième Bordeaux, Europa League. Septième Saint-Etienne. Ensuite il y a Nice, Nantes, Montpellier, Dijon, Guingamp, Amiens, Angers, Strasbourg 15e. Ensuite il y a Caen, Lille, 18e Toulouse, 19e Troyes et 20e et dernier Metz. Troyes et Metz sont donc relégués en Ligue 2 en Espagne. Termine en tête le FC Barcelone devant l'Atlético Madrid et troisième le Real Madrid en Italie. Première place pour la Juventus de Turin, deuxième place pour Naples et troisième place pour l'AS Rome. Et en Angleterre ce week-end, l'équipe de Chelsea d'Olivier Giroud a remporté la Cup face à Manchester United 1-0. Allez, on parle maintenant tennis avec le tournoi de Rome qui a été remporté par Nadal en 3-7 face à Alexander Zverev. Raphaël Nadal redevient ainsi numéro 1 mondial. Et côté féminin, c'est Svitolina qui s'est imposée en finale en 2-7 face à Simona Halep. À Lyon hier, à noter les éliminations des Français Martino, Kornouchovac, Moutet, Manarino et mon fils. Aujourd'hui, Berard affrontera Kukushkin et Emery se repose à Garcia Lopez. Et hier, ont débuté les qualifications à Roland-Garros. Ça passe pour Muller, Blancano et Lestienne. En revanche, élimination pour Grenier, Humbert, Angel, Deschepper, Alice, Gaston, Oang, Bonzi, Sakharov et Tatlow. Au programme d'aujourd'hui, Denoli affrontera Smith, Furness se repose à Christine et Robert affrontera Gulbis. Ses côtés féminins, Sakarevic affrontera Kudermetova, Albi affrontera Barra, Paris affrontera Fête, Andrija Jafitrimo se repose à Bouskova et Arcangeli se repose à Russe. Voilà pour l'actualité sportive. On va maintenant marquer notre dernière pause musicale avec Camilou et le titre Self Control. Dans mes nuits sans sommeil, mes désirs qui s'éveille, je te sens, tu es là, mais ce n'est plus vraiment toi. Je n'ai plus le contrôle, ton envie sûrement cassée au creux de ton épaule. J'ai besoin de rêver.